en direct du Geekfest de Montréal. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. Yeah! On remercie les 4 personnes qui sont dans la foule en ce moment. Oui! Yes! Shooter! Shooter tout le monde! Nous sommes une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson. C'est pour ça qu'on est 5 gars et qu'il y a 10 bières devant nous en ce moment. Il faut, c'est nécessaire. L'alignement de départ pour le match de ce soir. Le numéro 75, Jeff Cromp. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 98, Alex Galipeau. Le numéro 88, Alex Cromp. Et le numéro 31, Jeff Mallette. Yeah. Et le... Ah, non, hey. Pas et Martin qui a choqué le podcast tel Plicanet en série. Fif, soit ça ou comme un peu genre des Vander King. Il est pas fiable, il est sûrement perdu dans l'allée des canages à l'épicerie. Là, quelque chose du genre. Il est en jogging. Il nous écoute live. Il était bien en mou. Il était bien en mou. Les gars, on est en direct du Geekfest. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je sais pas, parler de hockey dans un festival geek, que se passe-t-il? C'est pour ça qu'il y a 4 personnes. Ceci explique cela, effectivement. Il y a 6 personnes en ligne. Oh! C'est plus. Un là-dedans, c'est Mart. C'est parce que nos fans sont en région. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Et merci, maman, d'être en ligne. Ouais, fait que on va vous jaser de hockey aujourd'hui. Tout au long du podcast, si vous avez des questions, commentaires, on a un micro pour vous quelque part. Vous pouvez venir nous les poser au micro ou juste de la foule directement. Si vous voulez débattre d'un sujet avec nous, ayez pas peur. On dit quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez venir et discuter avec nous autres. On vous a également laissé le Drinking Game 2015-2016, la soirée du podcast sur les tables qui sont vides en ce moment. pour ceux qui s'attendraient à jouer, même le barman n'est plus là, c'est cool. En tout cas, gros merci à Mathieu Gélina pour le Drinking Game. Mathieu qui est dans la salle, fait on l'applaudit. Ouais, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Ah ouais, on l'apprécie. Des applaudissements malaisants comme ça. Là, on dit qu'on est 5, on est 7. En fait, on a notre bon vieux iPad 1 dégueulasse qui risque de crasher pendant le live, comme d'habitude. Toujours là. Non, est au Nexus, là. Au Nexus, c'est le bar lesbienne, ça? Ouais, c'est bar lesbienne. Ouais, il y a juste des gars dans la salle. Je sais pas ce que c'est. Ils sont tous dans la salle de bain. JF, est-ce que le call-out finger est présent également? Ben oui, il est ici. Il fera son apparition plus tard durant le podcast. Ouais. Avant de commencer le show, donnons les positions du pool de la soirée du podcast. Question de savoir s'il y a des gens dans la foule qui sont sur le pool. Alors, la première position dans le pool, on a Mathieu Labonté, un certain Marc Véro en deuxième, qu'on connaît pas. Jean-Michel Brière en troisième position, Sébastien Giacometti en quatrième position, Bruno David en cinquième position. Et pour les membres de l'équipe restant, sixième position, Alex Galipeau. Septième position, Jeff Cromp. Yes. Moi, David en douzième position. Alex Cromp en quinzième. Et Mallette en 18e. Cool, yes. Hein? Y a-t-il des gens tout remonté un peu. Y a-t-il des gens dans la foule qui sont sur le pool? On peut donner votre position si vous voulez. Non? La force veut dire oui, mais le nom venant de J.S. c'est genre 45. C'est la deuxième page. 38. 38. Mais c'est pas grave, ça. C'est le début correct. De la saison. Fais-toi en poids. Là. Ça va remonter. Mathieu Gélinas est 21, d'ailleurs. Et c'est la première page, lui, par exemple. Ben oui, il y en a 37, c'est la première page. On ne vous nommera pas les quatre autres qui restent. Ben sur ça, on va commencer le podcast officiellement. C'est pas le bon thème. C'est bon. C'est la fin de show, merci d'être là. Une gorgée à tout le monde pour l'iPad. Fait qu'avant de faire nos plus et nos moins, on va revenir sur les dernières games. Dans le fond, nous, on a podcasté vendredi passé, fait qu'il s'est passé 5 parties quand même dans la semaine. Vendredi passé, 30 octobre, on a battu les Flames de Calgary, une belle victoire de 6-2. Après deux défaites. Après deux défaites, oui. Oui, c'est assez, deux défaites. Là. Taux de chapeau c'est, de Dale Weiss. Le Canadien, deux de suite. Oui, taux de chapeau du Gretzky des Canadiens, et Dale Weiss. Ben oui. Dès que le monde le compare à la fleur, calmez-vous, Calis. Parce que même cheveux, c'est-tu. Tu prends les photos. Sont épais. Ça, c'est TVA, ça. Ouais, en plein ça, man. On commencera pas. Là. Dimanche 1er novembre, on a battu les Jets de Winnipeg, une victoire de 5-1. Yeah. Ensuite, cette semaine, mardi 3 novembre, on a perdu 2-1 contre les Sénateurs, une défaite en prolongation. Asti, le match. Première prolongation, 3-3 pour le CH cette année, je ça crois. Ça a duré genre 30 secondes. Grâce à Pacio. Ouais, mais c'était merveilleux. Quelle erreur de marde. Ouais. Je pensais que t'allais coller que c'était la faute à Plecky sur le banc qui prenait une gorgée d'eau pendant ce temps-là. Chris, c'était une mauvaise foi. Ensuite, jeudi 5 novembre, on a battu les Islanders 4-1. Et hier, 7 novembre, victoire contre les Bruins de Boston, 4-2, une belle remontée. Yep. Emeline Boom dans ce match-là, qui a accueilli une nouvelle recrue des Bruins dans la Ligue nationale. Voltarin. C'est ça son estime? Le highlight de la game, c'est clairement Markov qui prend une pénalité. C'est clairement du gros fake. Là, il laisse son stick à terre. Le gars, il du diving. Ah oh, oui, j'en revenais pas, cette pénalité. Après ça, le jeu continue, c'est la même séquence. La puck s'en va direct dans le centre. Il check le gars, il se crinque un slap. Bang, est-ce que tu te le jettes? Il jette direct dessus. T'es, mon esti, tu fais pas ça. Non, mais il a slappé au banc des Bruins. Le cave. Ouais, c'est ça. Puis Grilled Cheese. Il aurait pu avoir une conduite pour ça. Ouais. Grilled Cheese a scrappé à la game des Bruins bien rare. Ben, c'est-tu dingue? Ah ouais, lui, man. C'est ça, Grilled Cheese. Grilled Cheese. Il est encore dans la vieille mentalité des Bruins, là, genre, fucker l'équipe. Ouais, tu fais perdre ton team. C'est de même ça marche. Moi, je viendrai au banc, je regarde là. Ah ouais, viens t'asseoir, toi, ça te tente d'entendre du hockey. Ah ouais, viens t'asseoir, prends une bière. Hey, j'aime pas aussi, bien vite. Ah oui, il est trop tard, il est trop tard. Tout le monde le sait que t'es là. Ah. Fif. J'aimerais ça. Comment aliéner 4 personnes dans la foule. Ouais. OK. J'aimerais souligner une chose pour la game d'hier. Ouais, malheureusement, elle est à TVA Sport. Puis notre ami Renaud Lavoie qui pose des questions épaisses là, à Max Talbot. T'as-tu donné un nom à ta moustache? Yes. Non, mais pourquoi t'écoutes ça? Oh, il a demandé ça pour vrai à la deuxième entraque. Puis je vais en profiter ça, man? Live en direct. On va encore l'heure, GF. Eh hey, oui, c'est bon. Attention à vos oreilles, tout le monde. I'm calling you out. Renaud Lavoie, ou en anglais, Renaud Lavoie. Calisse que t'es pas pro, esti. Hier, là, tu dis en exclusivité à TVA Sport, Gallagher, là, il est intéressé par le Team Canada. Esti, la nouvelle est annoncée à TSN 2-3 heures avant toi. Non seulement t'es pas professionnel, esti, mais quand t'offres des cadeaux au monde, esti, tu collectes la facture à la fin. Calisse d'épais. Non, mais vraiment, là, man up, esti. Ouais, mais c'est le Bob McKenzie du Québec. Bob McKenzie du Québec, bien sûr. Non, mais il prend toutes ses informations. Esti, Julien Snyder ferait le meilleur job que toi. J'ai pas dit qu'il était bon, esti. Juste que Chris, il fait comme s'il était le Bob McKenzie. TVA Sport, hier, ils ont pas dit que c'était une première à TVA Sport sur quelque chose à un moment donné. Je sais pas. Il semble que oui. Bon, j'écoutais pas. J'écoutais pas, esti. Eh oui, man, je sais même pas pourquoi vous écoutez entre les périodes. Moi, je change tout le temps de poste. Ça me fait des gros le podcast. Ça me booste. Ça prend une mallette. C'est pas bon pour son cœur, par exemple, mais ça donne de l'énergie. Yes. Ah ouais. Mallette carbure à TVA Sport. C'est ça, c'est pas ben ouais, moi j'adore la chronique sans filet avec Michel Bergeron. Sans j'écoute filet. J'écoute jamais ça. C'est de la merde. Fait qu'on va capable. Ouais, fait-tu nos plus et nos moins. Ouais, on va y aller avec nos plus et nos moins avec JF explose. C'est marqué sur la feuille. On va commencer par nos plus. Ça peut aller jusqu'au début de la saison. Il y a à peu près un mois de hockey de jouer. Arrête. Ben quoi? Au complet. Ben non, mais ça peut être dans la semaine. Je sais plus qui prend. On le fait pour la semaine. Qui va commencer? Vas-y donc, JF avec ton plus. Quoi? Tu commences tout le temps par moi. OK, là, je vais y aller. Personne s'en attend. Mais mon plus, là... C'est Plekanec. Ah, ben tabarnak! C'est Plekanec, Asti. Asti, je peux pas croire. Y a une gorgée qui quelque chose à boire, c'est Plekanec? Non, Mallette, je pense que j'en ai pas là parce que tu te ferais ramasser. J'en ai assez, je m'en vais. Attends, je veux te dire pourquoi c'est mon plus. Le petit gars de Glendo, là, il fait un nice petit job vraiment, là, comme centre numéro 1. Glendo, une gorgée, tout le monde. Ouais, buvez ça. Non, mais hier, là, ce que j'ai apprécié plus... C'est enregistré, ça? C'est enregistré live. Mais ouais, profitez-en live. Parce que ça va être sûrement la seule fois que je vais l'annoncer. Non, mais sérieux, là, Plekanec, il joue mieux que je pensais sur la première ligne. Il fait sa job, il y a de moins de genre un point par match. Puis Asti, quand il mange un coup de poing sur la gueule, il la mange puis il la prend bien en esti. Il bouge sa tête dans Hey, Jeff. Il a appris ça à Glendo. Je trouve ça vraiment cool. Tu fais comme ton petit mea culpa, là. Tu sais, tu donnes ton plus. Oui, je fais mon mea culpa, ben moi, j'ai hâte de m'être trompé puis de donner mon plus à Cation. Ben, ça va arriver, il y a une place à deuxième ligne, justement. C'est super en or, là. J'ai hâte de voir ça, les mains en or de Cation. Donc, Plekki, le laitier, mon plus... À date. Vas-y, Alex, c'est ton plus. Moi, mon plus, ben, ça va être comme j'ai dit à Dave hier. Ça va être le démon blond de la deuxième génération. Ah, ben, tabarnak. Ben oui, en plus, il est là, en tabarnak. Il est balafré un peu, mais c'est pas grave. Il ressemble au gars des Goonies. Il compte des buts. Non, pour le vrai, je pense qu'il vaut pour cette semaine. C'est notre meilleur marqueur. Non, mais sérieux, là, le monde qui pense qu'il va avoir 4 millions par année à cause qu'il compte des buts, là. Hey, fuck off, calmez-vous, tabarnak. Prenez une Valium. Prenez du Benadryl. Il y a 15 games, 16 games de Benadryl. Chill out. C'est les mêmes qui voulaient qu'elle reste, là, tu sais. TVA. TVA, toute la faute de TVA. Ben non. C'est GF. C'est Wiz, toi? Ouais, moi, je vais dire Wiz. Bon. Oh, il y a des CB dans la salle. Je pense qu'il y a des camionneurs qui vont quitter. Ouais. Les... Mon plus va aller à Dernais pour le pilote d'un excellent trio. Ouais. Good choice, good choice. Le petit Dernais. Constant depuis le début de la saison. Il y a 5 pieds 8, Esti, il faut qu'il y ait dessus. Je l'ai-tu, ça, ici? Ah, attends. Il y a 5 pieds 8, Esti, il faut qu'il y ait dessus. Mon plus à Dernais pour toutes les raisons sus-mentionnées. L'ensemble de l'œuvre. Sus-mentionnées. L'ensemble de son œuvre pour la saison à Dernais. Vas-y, ouais. Dave. Moi, je vais y aller avec celui qui a tenu le fort. Puis je ne ferai pas de mauvais joke là, par rapport à Mike Condon. Ah, bah, je ne ferai pas de mauvais joke par rapport à ça, mais il y a 9 points sur une possibilité 10 depuis que Price est blessé. Je pense que... Il protège le protège bien la cage. Mais moi, j'ai dit que je ne ferai pas de mauvais joke. Ben moi, j'ai pas dit que j'en ferais pas. Ouais, moi non plus. Ah. Les fans tomberont pas enceintes avec lui dans les nets. Fait que Mike Condon. OK. Condon. Bon choix, Condon. David. On est trop d'accord. Non, on est trop d'accord, là. Ouais, c'est ça. Alexandre. Ton plus, c'est un péché parce que c'était... C'était le mien. Là, je t'ai cassé. Ah oui, Michel Capote. Cassé. Oui. Mais tu regardes ces dernières games, le gars, il arrive, c'est une recrue, il a les gros souliers, ben, les gros patins à chaussée de Price. Les gros souliers. Devant le net, puis il fait une job exceptionnelle. Tu regardes, il laisse passer un but, deux buts max par game depuis 5 games. La seule défaite qu'il y a eu, c'est en prolongation. Il a laissé passer 2 goals. Price, ça date. Ah, j'ai pas fini. Ah, fait que là ça va commencer. Le mot des débats. Il laisse passer max 2 buts par game, puis c'est ça, la fois qu'il a perdu, puis qu'il a perdu 2-1, mais c'est un esti d'erreur de marde, un 2 contre 1 à 3 contre 3, après 30 secondes en prolongation, fait que c'est tellement pas sa faute. Il y aurait bien des goalers qui l'auraient laissé passer. Ouais, c'est pas facile. Anyway, je pense qu'on a un esti de bon deuxième gardien de but en place, puis ça, c'est... Il y en a qui vont dire c'est le temps de trader Price là, pour avoir les premiers. On va aller chercher un gros joueur d'avant. Les gars, on va aller chercher les premiers choix. Qui vient ici, le monde? Comme c'est là, Tokarski ne verra pas trop de caoutchouc cette année. Puis tu me fais penser à quoi? Tu parles de Tokarski, mais Marc Denis a souligné que Tokarski a fait son plus bel arrêt dans la Ligue nationale qui a attrapé une puck d'un instant. Super, ouais. C'est épais. Y a-tu dit ça? Y a-tu ça pour vrai? Live. Marc Denis. Il t'a cassé solide. Chien aussi, ça? Ouais, c'est chien. Allons-y. Mérite, tabarnak. C'est un petit crise de pourri. Quelqu'un dans la foule voudrait faire un plus ou on passe à nos moins? On passe à nos moins. Silence total. Alors, passons à nos moins. Tout le monde est gêné. Vas-y, JF, avec ton moins de la semaine. Ah, boy. Je pense que mon moins, je vais y aller avec... tu me prends par surprise, je n'étais pas prête. Fais pas ton board, là. Non. Je le dis, moi, je vais le dire. Allez-y, je vais y revenir après, parce que j'ai un blanc. Saute ton tour, là. Pour le moment. Faut qu'il pense. I'll be back. Vas-y, Alex. Je sais pas. C'est pas facile de nommer un mois quand ça va bien, tu sais. Pas de reste, pas tous les trios qui vont bien, même pour de vrai. Moi, je vais le donner à Galchenyuk. Oh, tabarnak. Okay, quoi? Je vais pas dire pour la game de hier. Hier, il a bien joué. Mais avant ses 6 minutes, il a bien joué. Ouais, il a vraiment. Ouais, son temps de glace pour rien qui diminue. Chris, il joue avec alerte. Non, mais non, pas grave. C'est un astuce de train de savate. Vous voulez voir au premier trio, mais Chris, transporte ton trio. Tu calais Heller avec Galchenyuk. Heller, il y a aucun. Il sait pas quoi faire avec la rondelle, man. Il y a la rondelle et on dirait qu'il est comme... Puis qu'est-ce qu'il fait, lui, avec la rondelle? Qui fait quoi? C'est lui qui a le plus de contrôle. Mais tabarnak, il n'y a pas personne placé pour l'aider. Mais qui est-ce qu'on lui les buts? Ben oui, il est pogné avec Byron. Puis Byron est meilleur qu'Heller, man. Ben, même avec DSP, il est meilleur avec DSP et Galchenyuk ensemble. Quand ils jouent, ces trois-là ensemble sont bons. Ouais. Mais gars, veut pas, je le donne à lui, Chris. Ben. J'ai le droit. Non. Oui, t'as le droit. Oui, j'ai le droit. T'as le droit. Puis cette semaine, vous êtes bandé, Galchenyuk. Oh, ça y est. Il est pas prêt. Une gorgée à tout le monde. À l'antichambre, cette semaine, la question était est-ce que Galchenyuk manque trop souvent la cible? Calice. Mais Chris, il joue même pas, Vous avez juste ça à parler, l'antichambre? C'est parce que Terrien a dit ça. Ben oui. Bon, semblerait-il. Pour de vrai, hier, il a tiré finalement, puis ça a donné un but. Les médias ben oui, ça fait un rebond. Ça fait un rebond, puis l'arcellaire a compté. Moi, j'aime ça quand l'arcellaire accélère. Le compté. Quand l'arcellaire accélère. Ouais. L'arcellaire sexuel, ça. J'aime ça, ouais, j'aime ça. Mais tu sais, je vais le donner à Asti. Ah ouais, Asti. Ça tente. C'est pas ton mark. Ah ouais. Non, mais honnêtement. C'est pas facile parce qu'on gagne. C'est vraiment dur à donner pour vrai. Puis je vais le donner à Galchenyuk. Tabarnak, les gars, man. Ils veulent la main. Il a fait 2 passes hier. OK, on parle pas de la semaine. On a gagné. On parle de la semaine. Pas par rapport à Gabe. Mais tu sais, il me déçoit un peu, mais en même temps, tu sais, j'aimerais ça le voir avec des meilleurs éléments quand même. Même s'il me déçoit. T'enlèves Plekanec pour le mettre... Mais avec Heller, les deux sont bons défensivement parlant. Juste pour partir lui. Là. Oui, c'est à lui de se sortir de sa marde. Ben oui, avec... Je ne ferai pas ton premier trio parce que je veux qu'Heller produise plus. Là. Non, non, t'es un jeune. Ah ouais, débrouille-toi. Moi, des joueurs talentueux qui sortent de la marde avec des trains de savate, man. Ouais. Ben, Heller, il a quand même 5 buts cette année. Hein. Bon, oui, Chris, il y en a c'est plus que Crosby. Au début de saison. C'est moins Wies. OK, je t'adonne celle-là. Vas-y donc avec ton moins, Alexandre. Moi, j'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est au début de la saison ou si c'est la saison passée, qu'il y avait un joueur qui n'était pas mauvais, il était juste pas bon. C'était à l'autre saison. Ah, non. Puis, c'était mon autre choix, ça. Puis, ben, j'y donne encore aujourd'hui parce que Gilbert est un esti de compte. Tu bouges pas, fais aller tes esti de patins sur la glace. Tu es un compte, tu te fais passer à tous les crises de game. T'es mon moins, t'es à chier, va t'en instant. Ah, là, il est pas, amen, juste pas bon, il est amen, mauvais aussi. Amène des recrues, fais jouer des recrues. Le team va bien, là. Tu fais pas jouer un esti de cône de même quand tu peux amener des recrues. Je pense donner du temps de glace dans la NHL. Moi, je suis game, là, complètement c'est en comme, désaccord avec son temps de glace. Les dernières games, c'est comme il a pogné son pic de mauvais. Là. Ah, il est à chier. Ah, ouais. Il n'y a pas de points encore au. C'est pas sa job, il est sa troisième paire. On t'invite à venir sur stage. On t'invite à décoller. Ouais, sans faire jouer dans les chaises. Mais Patrick a été rappelé aujourd'hui. Fait que peut-être qu'on va. Je me crisse bien de qui va jouer à sa place tant qu'il est jeune. Puis que. Ouais. Il est à chier. Mais ben, ils ont rappelé Patrick en place de faire jouer Tenordi. Qui va prendre la place de Gilbert. Tant qu'il est jeune. J'ai l'impression que c'est pas. Patrick ne prendra pas la place de Gilbert. J'ai l'impression que Gilbert. Il va rester quand même. Mais oui, mais pour de vrai, c'est comme un vétéran. Des blessures, ça arrive. Ça arrive des fois de donner un mauvais but ou quelque chose, mais pour de vrai, moi, je suis pas. J'en bâche tout le temps dessus. Ben, vous bâchez tout le temps dessus. Non, dans les dernières games, je bâche pas dessus, mais dans les dernières games, il a été à chier. Ben, c'est sûr que c'est comme le sixième défenseur, là, c'est un j'ai mon moins. C'est quoi ton moins? Ah, tu l'as trouvé? Notre moins, là, je veux pas offusquer personne. On va finir avec le cas Gilbert en disant ceci. Ah, ben oui. Qui mange la merde, tabarnak? C'est clair. Merci, Gilles Proulx. Peut-être que t'as moins de GF. Je voyais que notre capitaine, Pacioretty. Oh! J'y ai pensé. Ouais. Il a tout pensé. Dans le fond, là, tu vois, sur toutes les games qu'on a résumées tantôt, là, on a une défaite. La défaite, c'est Pacioretty qui l'a causée parce qu'à 3 contre 3, il a joué exactement comme Plecky a joué dans les playoffs. Il a joué mou en tabarnak. Petri, là, il garde le pas, contrôle le jeu, rentre dans zone. Amène-moi des shots, Marman. Non, je te le dis. Pacioretty, tout ce qu'il avait à faire, c'est de garder la rondelle, patienter, puis la passer à Plekanec. Si il l'a donné à Ottawa, ça crée un 3 ou un 2 contre 1, puis on scorerait tout de suite. Non, Ottawa. Sérieux, Pacio, là, je sais que tu le sais, là, puis que tu comptes des buts à l'occasion quand ça te tente. Parle à mais qui, là? Tabarnak. Mais je parle à la caméra, lui, regarde la caméra. Quand tu vas venir faire ton changement d'huile, viens me voir. Pacioretty sur YouTube, il écoute ça, là, il dit OK, manette, ouais. OK. Max! Lâche Call of Duty, esti, pratique tout et achoté dans le net. Ah, ils font leur plan de match, on écoute nos podcasts. Ouais, c'est un gros gamer, Pacioretty, en passant. C'est pour ceux qui le savaient pas. Ah, ouais, il y a tant des insultes. Non, c'est vrai. Il sait comment je connais quelqu'un qui a fait sa céramique chez eux. Ouais, voilà. C'est quoi, y a-tu un Xbox, un PlayStation dans son GM? Ah, là, je sais pas, il me l'a pas précisé, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un gros truc de Call of Duty. Le gars qui faisait sa céramique, il a vu un PS3. Putain, c'est un gros gamer. Il jouait pendant qu'il faisait sa céramique. Il l'a vu. Je vais t'en montrer les photos que j'ai. Il y a tout il a pris des photos, oui, il a pris des photos. Malette, c'est un gars de céramique. Malette se crée des yeux aussi. Ah ouais, Malette en quête. Ouais, Malette, j'ai reçu un message TVA Sport, ils te veulent dans leur équipe. Là. Ils trouvent que tes commentaires sont super pertinents. Non, TVA Sport ne peut pas se permettre de m'avoir. S'ils n'ont pas les moyens, c'est tabarnak. C'est trop pertinent. Tu sais, mange la merde. Il joue au Xbox. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non. On se en passant, pour ceux qui ne savent pas, sa femme, c'est la sœur de Afinogenov. Ok. Non, c'est vrai. Ok. Next. C'est trop. Allez, mon moins à l'heure, moi. Oh! Là, tu me plais. Je fais du temps sur ton moins de la semaine passée, justement. Puis pour toutes tes raisons que tu as donné la semaine passée, tu fais bien. Réveille à l'heure, Asti. Il était changeable. Et moi, il est changé, ça. Mais personne veut ça. Personne veut ça. C'est quoi le changement? Il y a sûrement un cave qui veut l'avoir, le Columbus. Yarko Kekelainen, il l'aime bien. Passons au prochain. Ouais, on avait un commentaire sur blessure de Price, Mike Condon qui tient le fort. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce qu'on a dit tantôt? On vient pas mal à dire. Oui. Qu'est-ce que ça va de quoi rajouter? Juste pour revenir à notre émission de la semaine passée, c'est vrai. Steve Ott qui dit que le système défensif du Canadien, là, c'est Carey Price. Là, mais c'est drôle, mais Condon, Steve, il a ramassé 9 points sur 10 depuis que Price est blessé. Mais ça, c'est la preuve qu'avec un bon gardien des nets, on a une bonne défensive pour tenir. Si Tokarski a arrêté. On a un bon système de jeu. Tout le monde joue regroupé ensemble. Moi, je pense que Steve Ott mériterait de se faire le move d'Emmanuel Auger dans Histoire de peine, Steve. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez Histoire de peine vers la fin, vous allez comprendre. Fait que les gars, Condon ou Tokarski? Condon, on a dit depuis le début. Tokarski, lui, il doit sortir petit échoir. Price ou Halak? Ah, c'est-tu Halak, tabarnak? Alak tabarnak! Ben oui. Alak, on l'a battu cette semaine en plus. Alak, ouais, il n'a pas été impressionnant. Je lui ai dit, il ne m'a pas impressionné. Il n'a pas entendu. Mais non, mais ils ont eu un bout, les Islanders. C'est quand même un bon gardien. Un bout, ils ont perdu 4-1 aussi. Oui, mais OK, là. Wow. Dis-moi. Un bout, là. Quand les 60 minutes sont passées, c'est les résultats à la fin qui comptent. Hey, voulez-vous qu'on vous réserve un moment pour jaser? Ben là, parce qu'on est à côté de l'autre. Oui, on s'aime bien, moi, Alak. On s'aime bien. Fait que les gars, comme le format du podcast est un peu changé vu qu'on est live, on a moins de temps. Pas de période. Pas de période. Puis là, je vais vous envoyer sur une question. Ma question étant, on parle souvent de, en gros guillemets, la fenêtre pour les équipes de la Ligue nationale pour gagner la Coupe. Ma question, is open. Est-ce que la fenêtre est ouverte en ce moment pour le Canadien de Montréal? Damn ouais. Right, elle est ouverte. Je l'avais dit l'année passée. Elle est ouverte. Ça venait. Elle était l'année passée ou elle est cette année? Non, souverain, tu sais. T'étais juste des bons rires, juste un clin. Non, c'est mais cette année, gars, écoute, elle s'en venait, puis tout, tu voulais tout trader le team. Moi, je t'ai dit, on te reste avec la jeunesse. Mais il y a encore des trades que j'aimerais faire, justement, pour pouvoir se rendre jusqu'au bout. Il y a toujours moyen de s'améliorer, mais je pense que la fenêtre, présentement, avec le meilleur goaler dans le monde, la meilleure défensive dans la ligue. Sauf une attaque assez beaucoup mieux balancée puis beaucoup plus décente que la fenêtre est là. Là. Tu sais, je veux dire, là, on a peut-être un 2-3 ans pour la faire. Là. Pas plus. Ben, dans le fond, c'est jusqu'à temps que le contrat de Price et Pacioretty expire. C'est ça, là. Puis, il veut pas, t'as des jeunes à signer, puis t'as amassé, t'as tout, là. Chris, à refaire, là. Jusqu'à temps que Pacioretty expire, Chris, c'est pas lui qui. Non, mais c'est parce qu'à 4,5, on peut se permettre d'avoir un club comme qu'on a là, mais quand il va renégocier son contrat, ça sera plus 4,5 millions par année. Ouais, là, ça mais va être 4,5 comme dans l'autre, là. C'est pas non, mais. Parce que. Donc, Alex, je me dis ça, Chris, mets pas des mots dans ma gueule. Je n'ai pas mis. Va te mettre ça. T'es bien mieux, mon esti. Je fais un commentaire. Non, mais. Non, mais je pense que. Tu sais. Oh, il est tellement frustrant. Ouais, lui, il est all or nothing. Parce qu'on a une feuille, un pacing de. T'as mis 15 minutes pour la fenêtre est-elle ouverte pour le CH? Est-ce qu'on fait pas 15 minutes avec c'est ça? Variable, parce qu'on est variable. Comme. On est tous oui. Un peu que, et on a peut-être 2-3 ans là, que c'est ben, moi, je vais dire non d'abord. Non, qu'est-ce que ça prend plus? Eh oui, moi, pour la fenêtre, je vais dire que la fenêtre, elle commence à s'entrouvrir, mais elle n'est pas encore complètement ouverte cette année. Mais qu'est-ce que ça prend plus? Qu'est-ce que ça prend? 16 victoires en 16 games? J'ai ça, man. Les fans du Canadien, on pense que notre équipe est médiocre quand elle est bonne, pour de vrai. Voilà. On a un bon deuxième trio. On a trois. Mais on a trois bons trios. Le seul qui ne marche pas, c'est le deuxième. Ouais. Mais c'est parce que. Ouais, mais. Oui, je suis d'accord. Hey, ça doit être Cation, ça. Ouais. Ben, Cation, je pense qu'il mériterait sa chance à deuxième ligne, sérieusement. Là. Ah, non, sérieux. Non, mais Cation, avec une petite ligne dans le nez, là. Ouais. Ce gars-là, ça a l'air que. Hein? Laquelle qu'on met, là? T'as parlé de poids, là? Mais Cation, je pense que c'est vrai qu'il a des bonnes mains parce qu'il est encore capable de rouler les nouveaux 20$, lui. Ouais, il glisse pas, tu sais. Fais ça d'une traite. Non, mais ça prend un allié, là, d'après moi. C'est sûr que je proposerais pas Chris Versty comme conversation sur Twitter un matin, là. Mais je pense que Bergevin, il a eu le don depuis 2 ans d'aller chercher un joueur de location à date limite. Puis je pense que cette année, ça va prendre un allié, puis il va aller le pogner. Mais un allié, comment? Ben, qui tu vois, toi, qui va partir gagner? Le gars que je vois, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais Jérôme Higgin, là. Il joue pas dans la fin de la saison. Il va rien coûter, esti. Puis il marque des buts. Il marque encore 30 buts par année. Coûter, Higgin, là, 30 buts par année. Il va coûter genre un choix de deuxième ronde ou troisième ronde. T'es malade. Mais oui, il joue autonome à la fin de la saison. Comme je te dis toujours, faut pas sacrifier notre jeunesse pour ces joueurs finis là. On en a en tabarnak des jeunes. Excuse-moi, mais si tu veux gagner la coupe, faut que tu fasses ces moves là. Ouais, mais ok, il y a un moment crucial là. Vous dites. C'est un exemple que je vous donne. T'étais le premier à dire d'être patient avec Galchenyuk. Après 15 games, vous êtes prêt à changer. Alex, qui est des amis, d'accord. C'est pas parce qu'il est sur une table ronde. Je le vois pas, lui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, Alex? Là. Vas-y, lâche-toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais! Ah, tu vois! Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est que on verra. Chris, on verra en mars. Il n'y a pas de stress. On verra au mois de mars s'il y a des blessés, s'il y a ci, s'il y a ça. Mais si on a encore sur un streak comme ça, qu'on a des chances de gagner la Coupe. Moi, j'irais chercher le gars qui va te poter des buts en série. Et voilà. Pour un emprunt ou pourquoi? Parce que là, la fenêtre va être vraiment ouverte. Là. Les playoffs s'en viennent. Mettons que t'es rendu, t'as une fiche de feu. Comme si on continue là, de même, puis qu'on a 3 défaites en 16 games, puis que ça continue de même, ben, on a besoin d'un gros poteur pour les playoffs. Moi, je répète, aller chercher un Higgin là, qui a fait ses preuves. Mais tu vas pas le chercher en saison. Il ne vaut pas de la saison. Non, pas tout de suite à la fin de l'année. Pas pendant 82 games, mais quand c'est important, il est capable de sortir ses mains, il est capable de faire des buts. Puis, pour un choix de deuxième, troisième ronde, on s'en calisse un peu. C'est ça, le Higgin là, en série. Higgin là, en série, ça produit. Il s'est rendu en finale de la Coupe avec Calgary dans le temps qu'on ne t'aime pas. Ils n'ont jamais gagné. Il y avait 22 ans, là. Jamais gagné. Ben non, mais c'est parce que Gainlock, quand il s'est rendu en playoff contre nous autres, c'est nous autres qui l'a éliminé il y a 2 ans avec, contre Boston. Ouais. Ça, il faisait rien, aussi. Ouais, c'est vrai qu'il faisait rien il y a 2 ans. Ben, c'est parce qu'on était ben trop fort. Non, mais je pense que Gainlock, ça serait un bon petit pay pour Galchenyuk, je pense, à la deuxième ligne. Ah, je suis pas sûr, parce qu'il va toujours y chercher. Quand avec Simon, Galchenyuk essaie toujours de faire la passe à lui. Ouais, mais il va faire la même affaire le jeune. Une tortue patine plus vite que Simon, tabarnak. Je le sais, mais il va toujours essayer de la donner à Gainlock. Hey, on va essayer de donner un cible que lui. Semaine, il va se rejouer. Semaine, il va revenir au jeu un moment donné parce que ça n'a pas de sens. Parce que un moment donné, il va se blesser. Hey, tu sais quoi, Malette, je vais te donner quelque chose. D'après moi, Keishon va jouer avant Semaine. Hey, hey, man, 20 piastres. Ah, ben, c'est bien. Je serais content. Là, vous allez voir qu'il est bon, Keishon. Live. 20 piastres. 20 piastres live. Hey, Malette, il démarre pas. Hey, fuck off. 20 piastres. Ouais, mais dis-moi ça si t'es pas prêt à te backer pour 20 piastres. Non, mais que je lance de quoi dans les airs. On n'a pas gagé. Je suis en train de gagner notre bête. Hein? Ouais, ben attends, quand Galchenyuk va voir Gainlock, tu vas voir si votre gageur. C'était quoi votre bête? Ah, moi, j'ai bêté que Plekanec ferait bien plus de points que Galchenyuk. Ouais. Et à date, voilà. C'est pas loin. Genre, il y a comme juste, peut-être 5 le premier scoreur de l'équipe. C'est OK. Ah, ben attends, Galchenyuk a quand même 11 points. T'sais, on aura beau lui donner notre moins. Le jeune, il joue pas tant que ça. Puis il joue avec des pédales. Il joue avec des fucking tirs poids, man. Chris Paul Byron, sa deuxième ligne, ou Diaby, sa deuxième ligne. Non, mais avoue, man. Dis-moi qu'il joue avec des bons joueurs, man. Dis-moi qu'il y a les éléments pour faire la passe. Il joue avec des bons joueurs. Ah, merci, man. Non, mais il pourrait jouer avec des meilleurs joueurs. Mais il pourrait jouer avec des meilleurs joueurs, mais je pense que... Il a quand même faire 11, sa chance. Mais le jeune a quand même 11 fucking points. OK. En 14 games, 15 games? C'est quand même bon. C'est bon, hein, Chris. Plekanec, est-ce qu'il est rendu à la fin de carrière? Oui. Puis ton point. ton point par rapport à ça. Hey, tu as donné ton plus tantôt. Là, commence pas à bâcher. Là. Non, je ne le bâcherai pas. Je veux juste te dire qu'il y a une différence. Il y a 20 ans de différence entre Galchenyuk et Plekanec mentalement. Il n'est pas capable, il se sent mal, il a donné le plus à Plekki, puis là, il est comme, il file mal. Là, je peux pas. Ça, il brûle. Non, mais je vais lui donner Plekki, il joue bien. Il a même face, ça fait 20 ans, Chris. Il joue très bien, on va faire des séries. Ah, il est beige en Chris, par exemple. Ça, c'est sûr qu'il est beige. Ouais. On s'en calisse, tu. Ah oui, on s'en calisse, mais il est beige pareil. Oh, tant qu'il drive le premier trio, notre power play, notre PK. On n'a rien à dire sa première année. Hey, son affaire du col roulé, là. Pourquoi il porte le col roulé? Ah, c'était mon oui, moins comme hors glace que je voulais donner à Plekanec. Ah, hey, vas-y. C'est quoi ça? Moi, j'ai pas lu. T'as pas vu ça? Plekanec est allé à Abs TV. Il s'est fait demander pourquoi tu portes un col roulé. Puis il a répondu comme un hostie de mange-marde avec un air bite. Ben là, je le porte parce que j'aime ça, puis je suis curieux de me faire poser cette question-là. Il n'y a pas de raison là, particulière. Ah, il a commencé à le porter. Mais il est beige, là, c'est ça que je veux dire. Il y a pas, ce gars-là, il est comme... Mais il est beige, puis il avait l'air en crise. Tu peux comprendre, après une game, que t'as l'air en crise. Qu'est-ce qu'il y a, là? Va pas à Abs TV faire ça. Tu vas-tu défendre Plekki parce que t'es pas content, Asti? Le gars, il est fucking payé pour jouer au hockey. Il joue crissement bien au hockey. On lui demande de faire des Asti de capsules de marde, Abs TV, de cul. C'est sûr qu'on lui demande. Il est payé 4 millions même pour roulé. Faire ça. Pourquoi tu mets tes astis de col roulé? Ben, regarde, j'ai mis parce que ça me tente d'y mettre, puis je m'en calisse. Oui, prépare-toi une joke, puis passe là tout mais le temps. Mais oui, mais c'est pas ça. Il est pas humoriste. Lui, il veut juste jouer au hockey. Man, arrêtez! C'est pas chercher des bébés de Plekki, ça me fait mais tu peux pas, à Montréal, tu peux pas juste jouer au hockey. T'es payé et tout pour mais tout. Mais oui, mais il a fait une petite chronique de cul, là. La capsule est faite. Pourquoi qu'il joue pas dans les séries, man? Elle est faite, man. Ouais, mais il est juste pas bon. Pour ça, pour ces choses-là, oui. Pas bon. Bon. Mais pour de vrai, c'est comme Joker dans le vestiaire et tout. Tu le vois qu'il fait des jokes avec Subban et tout. Il fait des jokes? Qui ça? Oh, ouais. Plekki? Ouais. Toi qui es plugué dans le bon sens. Il gosse avec Price, c'est la fois de même. Toi, mais là, tu le sais pas qui joue au PlayStation 3 à Rock Band? J'ai entendu un joke avec l'autre jour. Moi, un gars qui a installé sa hotte de poil ici, il a dit... Plekanec, c'est genre de petit cul à l'école qui effaçait le tableau. Ça le fun, effaçait le tableau. C'est un peu spécial. Les gars, je vous rappelle qu'on parlait de la fenêtre. Elle était ouverte pour le CH. Ouais, excusez. On va en gagner à quoi? Il y aurait 5. Faut faire du temps, on va en gagner à quoi? On va demander de bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui aurait un commentaire sur la fenêtre du CH dans les deux personnes qui restent? Je vais vous donner mon micro. Tiens, il veut parler au micro. Viens. Et sur le stage, Mathieu. Exprime-toi. Un autre micro, je pense, quelque part, peut-être. C'est clair qu'on va manquer. Non, mais on peut y en passer un. Il va mettre le doigt. Ben oui, t'as le doigt. Il veut faire quand? Ah, excellent. T'as le doigt, mais. Il veut le mettre. Vas-y, donc, Mathieu. Ouais, ben en fait, dans l'Est, oui, ils sont tout seuls. Fait que, tu sais, il y a Washington qui a une équipe. Tampa Bay, leur, eux, leur fenêtre est là. Sinon, j'aime pas ça quand tu me pointes du doigt. Tu y as passé le doigt, ouais, Manette. T'es collant. Bergevin n'a pas signé un bon ailier. Non, sérieux, dans l'Est, si on passe chance, le doigt, dans l'Ouest, ça va être rough. Peu importe qui va affronter. Mais, non, mais dans l'Ouest, on va se faire ramasser. Non, mais le style est tellement différent. Non. C'est sûr, mais dans l'Est, il y a comme 4-5 équipes qui ont vraiment des chances. On est vraiment dans le top dans l'Est en ce moment. On est premier. Les Rangers. Fait 4-5 équipes. Washington. Rangers, Washington. Tampa Bay. Fait qu'il y en a juste 3 dans le top 8 qui feront. Columbus, peut-être, s'il aurait parti ses chapeaux de roue, mais à ce temps, ça. It crashed and burned. Mais une équipe qui aurait été supposée de gagner. Columbus, faut qu'il genre 12 blessés. Ouais, hey man, Columbus avec Tortellini, là. Non, je sais, mais il est exposé les bons cette année. Grosso modo, dans l'Est, si on a pas mal de temps parce que les autres clubs sont à chier. Mais dans l'Ouest, ça va être pas mal. T'aimes pas, ne gagne pas non plus. Merci, Mathieu. Merci. Thanks, Matt. Merci, le call-out. Je suis chanceux d'avoir pris le doigt comme ça. Ouais, dans le micro. Sans toi spécial. Ah ouais, non, mais j'avais quand même des sujets d'extra d'un coup qu'on y allait plus vite. Le power play a comme débloqué cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec le power play? Pourquoi ça commence à marcher là? Ah, si, bouge la puck, c'est diversifié. Hier, là, il y a eu des hosties de plays sur le power play. Ouais, mais ils ont été chanceux, man. Le dernier qui ont compté. Pas le dernier, l'avant-dernier. Mais attends, les Bruins. Ils n'ont pas été capables de scorer, mais ils jouaient toujours sur le bord de la bande. Mais faut dire quand même que les Bruins sont fucking derniers, je pense. Ouais, ils sont pas capables de bloquer les gars. Ils ont enfin compris qu'il n'y avait pas juste Subban à la pointe comme option sur le power play, fait qu'ils font bouger la puck. Ils essayent encore. Ils essayent parce que c'est un esti de shot qu'il y a. Mais il n'y a pas juste ça, fait qu'ils font bouger la puck. C'est pas tout le temps juste ça qu'ils essayent. Mais si Mané de one-timer, ils vont le faire, c'est sûr, parce que Subban, c'est une arme de destruction massive. Mais sinon, ils vont faire rouler la puck. Puis Mané, avez-vous vu le shot qu'il a fait sur Smith Bailey, man? Piqué? Lequel shot? Il a fait un slap. Je sais pas si c'est dans la dernière ou l'autre d'avant, je pense. Islanders? Je pense que oui. Ah oui, c'est vrai, il l'a reçu sur le pied direct, je pense. Il est parti direct dans le vestiaire, mon gars dit. Ah, Chris, c'est sûr. Chris, c'est blond. Ah oui, un boulet. Ouais. Quel boulet de canon. Mais je pense que ça fait du bien d'avoir JJ comme coach sur le power play parce que Daniel Lacroix, ça valait pas grand-chose. J'ai dit l'année passée, ça, Steve. Et voilà. Pourri. Non, c'est ça, mais tant mieux. Ça fait 6 games en ligne qu'on marque un but en power play, les gars. On a juste pris 2 bières chaque. Hein? Really? Ouais. Non, je sais, mais ça en aurait pris d'autres. Hein? Barman. Hey, Barman. Barman, t'as-tu 5 bières? 5 bières. 5 bières blondes. 5 blondes, ça. Hey, les gars, c'est pas ça. On consomme plus que la frère en ce moment. C'est pratique. Tu prends-tu Visa parce que j'ai plus de change? J'aime ça. Non, okay, hey, on va l'amener au podcast chez GS. Ça va être malade aussi. En fait, je pense qu'on va commencer à podcaster dans les bars tout le temps. On va avoir pas mal plus. C'est juste l'affaire qui va être. Comment vous allez. Vous pensez attirer le monde? Ben, 3, 4. On va boire un tabarnak, par exemple. Ah non, sérieux, les gars, il va me manquer 2 pièces, j'ai plus de change. Ouais, c'est pas grave, on va s'arrêter avec la carte. OK. Un peu à l'inverse du powerplay qui fonctionne, le premier trio est un peu en panne également. Ouais. Ouais, mais là, ils ont débloqué dans les deux. Ouais, non, la dernière. Ouais, la dernière peut-être. OK, l'autre qui a eu le but de Plekanec dans un filet désert. Il en a fait 3 cette année. Ouais, il va chier, mais. Il y a un autre but. Je m'en souviens pas, mais il y a eu un autre. Moi non plus, je m'en souviens pas. Tu m'énerves. Okay, c'est plus comme Patrick Redding. Je vais aller te chercher ça. Il est rendu rouge, je sais. Plecky qui fait des buts en. Ah, ça compte. La désert. Là, ça veut juste prouver. Moi, je suis d'accord. En 6 contre 5, il est crissement efficace. Puis qu'il a c'est lui qui est sur la glace. Puis, oui, c'est sûr, il n'y a pas de goaler, mais il est capable lui qui d'être va chercher en 6 contre 5 d'aller dropper c'est à la puck. C'est ouais, c'est parce que Plecanek, il est habitué de dégager. Ah, ouais. Généralement, JF et Alex sont comme face à face. Vous comprenez qu'on les a mis au bout de la table, les deux. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Non, j'avoue que. Honnêtement, je pense que le problème sur le premier trio, c'est Pacioretty, tout simplement. Puis c'est normal pour un gars qui revient d'une blessure, qui a un high en début de saison, puis que là, il y a un low. Toi, t'as écouté l'antichambre hier. Non, l'antichambre, ça jouait hier. Exactement la même affaire. Pour vrai? Ben, l'antichambre m'a écouté. Parce que moi, j'écoute pas RDS le samedi. Non. Non. J'écoute TVA Sport. Je prends des notes, ça me manquerait. Sportsnet, motherfucker. Sportsnet, j'ai pas écouté. Laisse faire les TVA Sport. Ça arrête de donner des codes d'écoute à TVA Sport. Ben, s'il n'y a pas TVA Sport, il n'y a pas de moi en crise ici. Ah, alors, moi, je suis sûr qu'on peut trouver des sujets. J'ai jamais écouté TVA Sport. Probablement, ouais. Donc, on est dans un monde meilleur. Ouais, dans un monde meilleur. Ben oui. J'ai jamais écouté Dave Morissette. Je sais pas, mais Mike Bossy. Tu fais bien. Le gros en direct. TV, ce gars-là, Dave Morissette? Oh, non, Mike Bossy. Mike Bossy, ben sacrément, le gars, il s'est pellule à côté. J'ai pogné une affaire hier, puis il y avait Théo qui parlait. Hey, ton préféré, man. Sortez votre cash, je vais aller chercher la bière. Il y avait Théo. Ah non, il va. Ah ouais. Il y avait Théo, même, qui parlait avec Dave Morissette. Puis il dit. Il dit, ah, il dit, tu sais, c'est différent quand le monde dit ton nom, genre Théo, Théo. Théo. écouté. Oh, puis là, Morissette, il a dit, ouais, parce que toi, les mêmes fans ont dit les deux, tu sais. Ah, c'est vrai. C'est comme des dents, genre, ouais, ouais. Live, là. Ouais, puis Théo se vantait, genre, de ses exploits contre Boston. Ah, ouais, l'arrêt qu'il avait fait. Puis ouais, ça, ouais, je l'ai vu. Ouais, ouais. Ok, j'ai tabarnak. Écouté un petit peu TVA Sport, ça, je l'ai vu. Il comparait l'arrêt de Candé. T'as écouté TVA Sport aussi, hein. J'ai pas été civil, puis changé de poste. Fait que c'est Gallagher qui avait compté contre les Islanders. T'es bien fait. Gallagher, puis les Canucks. Fait qu'ils ont eu deux buts. OK, OK. Les gars, il nous reste une vingtaine de minutes. Est-ce qu'on va faire un petit tour de la Ligue nationale? Ah, ouais, donc, hein, c'est le fun, ça. Around the NHL. Around the NHL. Oh, j'ai coupé le tennis. Va caler ma bière. Around the NHL. Une bière pour tout le monde, pour l'iPad qui est fucké. Puis je sais pas qui fait la voix off de ce jingle-là, mais c'est sexy en maudit. Ah, ouais. C'est toi. Tout le monde le sait que c'est toi. C'est toi chez vous. Je me suis toujours posé la question. C'est moi chez nous, mais c'est Marc qui a fait le thème. Marc n'est pas là, d'ailleurs. On le souligne encore. Arrête de parler de lui. Il est juste pas là. OK, Around the NHL, premièrement, Patrick Kane a été acquitté cette semaine. She said no. Ouais, mais ça a été comme un esthétique cirque. Là, ouais, mais ça, c'est là que tu te rends compte. C'était dégueulasse. Tu sais, pour de vrai, je veux pas. Tu sais, la fille, elle est juste pour le cash. Ça. Ouais, c'est ça. T'sais. Des fois, ça aurait pu être vrai, puis c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais c'est la faute, la fille est revenue chez le gars, puis là, là. Mais Chris, elle était juste, tu vois, que c'était une plot à cash. Ouais, c'est vrai, tu sais, elle était influencée par sa mère. Ouais, sa mère dit, ah oui. Ouais, ça a commencé à chier, là, une couple de temps avant que la. C'est comme les parents de sac qui arrive. Comme les parents de petit Jérémy, là. Ceux qui écoutent la chaussette, vous allez comprendre. Ça faisait penser à un épisode de Virginie, tout ça. Ça, pour de vrai, c'est une estime niaiserie, mais de mettre quelqu'un dans la merde pour rien. Ça fait chier, parce que au moins, ça l'affecte pas parce que Patrick Kane, il marche. Oh, mon kudos pour Patrick Kane, il a quand même fou. Je l'ai pas pris dans mon pool. Je l'ai pris, moi, je l'ai pas pris. Sex is for love. Je suis quand même 12e. Mais je suis contrairement à ce que Marcel Aubu pourrait penser. Là. Ah, c'est Marcel, ça, ben Marcel, oui, Marcel. Lui, Marcel. Il aurait juste dit des faites attention à vos mères, esti. Marcel serait juste arrivé à côté d'elle puis il aurait dit des cochonneries. C'est pas hide your daughters, c'est hide your mothers. Marcel Aubu dans la Aubu. Place. Eh oui, esti. J'avais un thème de Marcel Aubu, je le trouve pas, malheureusement. Non, parce que t'as mis des astiques couleurs. T'as mis des astiques couleurs. J'ai dit ça juste pour partir le thème puis je l'ai pas trouvé. Fail! Bravo. Prochain sujet, Connor McDavid, blessé à long terme. Alors, Connor McDavid. McDavid. Ah, en plus, c'est qui l'autre jour? J'écoutais, il a failli dire ça, McDavid. Je pense que c'est Pierre-Route. Ça me surprend, Pierre-Route, parce qu'il y a toujours McDavid, une bonne langue. Mais, ouais, ça allait dire McDavid. C'était tellement hot, j'ai tellement pensé à ça. Ce qui me faisait rire de McDavid hier, justement, c'est que Michel Bergeron, là, il a comme décrit le jeu quand il s'est fait mal. Puis il a dit, tu vois, là, il s'est cogné, il s'est levé debout de suite, puis il est allé au banc. Ça, c'est un pro. J'ai comme trouvé que ça avait aucun sens. C'est comme défaite l'homoplate, là, McDavid. Vraiment rien à dire. Hein, mais genre, le bas était rendu au genou. D'habitude, quand t'as la clavicule pétée, t'es capable de marcher. Ah non, mais tu là, sais que tu es capable de briser un os, je vais retourner au banc. Ah, tu sais quoi, tu vas rester, tu vas attendre la civière. T'as terre en train de te tordre, t'es pas Brad Marchand. Quand t'as le fémur cassé, t'es couché à terre, tu reviens pas au banc, t'es un esti de fif, c'est ça? Comme Chris Kelly. Ouais, c'est vrai que tu arrives avec Chris. Non, Chris, mais non, là, c'est fracturé. McDavid, quand il s'est pété la cavité, McDavid d'abord. Là. McDavid. Tu sais, t'as vu tout de suite l'autre joueur, tu étais comme, hey, t'es-tu correct? Puis toi, tu te vois que les joueurs de la NHL, déjà, là, they care yes, about him. Toi. Ils voient que c'est une vedette. Tu sais, c'est... Mais justement, quel impact. Tu as checké, OK, non, soigneur. Cette blessure-là, quel impact ça va avoir sur sa carrière? Puis quel impact ça va avoir sur les Oilers? C'est là qu'il y a la question. Parce que là, il va avoir des vis dans le dos. Il va lui donner ouais, sa carrière. Ouais, mais il va lui donner, rien, sa carrière. Il va lui donner bien du temps parce que c'est pas le temps qu'il revient. Oh, ouais. Mais là, j'ai une question pour vous autres. Là, il va. C'est quoi le minimum de matchs que tu peux jouer pour être une recrue dans la Ligue nationale? Il va-tu être une recrue encore c'est l'année 10, prochaine? Ah, OK, fait qu'il est trop tard. C'est plus que ça. C'est plus que ça? Un petit peu plus. Pas beaucoup. Je pense que c'est 15. Ben, il va sûrement revenir, genre au mois de mai ou quelque chose de même. Au mois de mai? Moi, je pense qu'on va prendre le mois de mai. Pour gagner la coupe, là. Ils ont dit ça va prendre 3 mois, genre. Ouais, 3 mois que ça prend? Fait que ça donne genre 3 mois, ça donne. Ouais, mais moi, c'est 3 mois, là. C'est pas. Mois de février, mars. Ils ne seront pas pressés de le ramener parce qu'ils ne vont pas risquer ça. Puis une clavicule, ça débarque vite en crise. Non, mais elle n'est pas débarquée, Chris. Elle n'est pas débarquée, elle est pétée, mais une fracture. Une fracture, quand c'est réparé, c'est réparé, là. Ça devient plus fort. Je m'inquiète pas pour le futur. Essayes-tu? Non, mais regarde. Alex, on dirait qu'il étudie en médecine. Mais moi, je suis un prof d'éduc. Je sais. Non, c'est vrai. J'ai étudié. Là, médecine sportive. Non, mais honnêtement. Du cégep d'ici, il y a 5 ici à mais honnêtement. Bon, ça, c'est journée ici. Non, mais honnêtement, quand t'as une fracture, l'endroit qui s'est fracturé, l'os qui se répare à la même place, il est plus fort que l'os qui s'est cassé. Sauf que la clavicule est un endroit d'impact fréquent pour les joueurs de hockey. Ouais, mais, ça n'a pas plus de risque de se péter? Non. La place où tu t'es fracturé, ça n'a aucune chance de repéter. Ça va péter à côté. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça va péter à côté, mais ça ne repétera jamais. C'est un petit crisse d'os. Oui, c'est un petit crisse d'os de marde. Mais regarde, ils sont tellement blindés. Moi, j'enlèverais ça, cet os-là. Tu serais mou en esti, mon chum. Ils sont tellement blindés que ça va être correct. Mon prof de science, c'est quoi une frémeur, esti? Le frémeur, c'est dans la cuisse. C'est pour moi, frémeur, c'est flexeur, genre. Non, un fémeur. C'est quoi une frémeur? Fémeur. Fémeur. Okay, on rajoute au drinking game quand JF prononce mal le nom d'un os auprès d'une gorgée. Quand fémeur, là, c'est maladie. Quand il prononce mal une maladie. Quand JF prononce mal. La fémeur, c'est une cuisse? C'est la fémur, Chris, le fémur, l'os de la cuisse. Ouais, l'os de la cuisse. Fémur. Puis lui, c'est l'os le plus long du corps. Il s'est fait une fracture de ça, Chris Kelly? Chris Kelly s'est fracturé le fémur out de 6 à 8 mois. C'est intense en acier. Ah ouais, c'est intense en crise parce que c'est un solide os. Je pense que c'est le plus gros os du corps. C'est le plus long. Est-ce que c'est le plus gros? C'est pas le plus gros, mais c'est le plus long. Le plus gros, c'est le bassin. Ouais, genre. Est-ce qu'on est fort? À la soirée du podcast, on apprend des choses en médicine. C'est un cours de biologie. On s'en calisse, là, Chris Kelly. Chris Kelly, à chaque, on s'en calisse. Too bad for you. C'est ça. Qui mange la merde. Il joue pour Boston encore, j'imagine. Ouais, ouais. Okay. Fuck you. Le défenseur numéro 2. Fuck you. Il est plus à Boston, lui. Il est plus à Boston. Il est où, Chris Kelly? Il est à Boston. Ouais. Il est à Boston. Ouais, c'est lui qui mange la graine à Chris Kelly. C'est le défenseur numéro 3. Chris Kelly, non? Et sa deuxième paire. Quand ta première paire, c'est Shower pour McQuay, là, ça va pas bien. Hein? C'est un attaquant, Chris Kelly. Aïe, mais c'est Nico. Ça va descendre. Il chantait pas Chris Kelly. Les gars, j'ai un sujet d'extra pour vous pour Around the NHL. Je vais pas répondre à cette question. On a cette semaine les coachs pour Team Canada. Alors, on a Mike Babcock, ou Badcock plutôt, Claude Julien, puis Kenville, et Bill Peters. Who the fuck is that guy, hein? Où est Michel Therrien? Ouais, pour de vrai, Julien, qu'est-ce qu'il fait là, man? Pour de vrai, Julien puis Kenville, il était là aux Olympiques, fait que c'est normal qu'il revienne avec l'équipe. Attends un peu, mais changement. Bill Peters, man, il est pas coach pour Jean-Léric. C'est coach pour la Caroline, puis il mangeait la graine à Badcock, accidentale Détroit, fait que c'est pour ça qu'il l'a pris. C'est Badcock, ça, man. Fait que là, c'est lui qui a dit, tu veux comme coach, si je veux mon petit Bill Peters, parce que je peux avoir une petite turlute dans les toilettes dans les périodes. Ouais. Non, mais sérieux, là. Badcock, là, son problème, là. Cette semaine, il a déclaré, après qu'il ait été annoncé qu'il serait entraîneur pour le Team Canada, il faudrait qu'on grossisse les nets. Non, mais sérieux, là. C'est-tu parce que t'as un club de pédale, là, qui n'ont pas capable de scorer, qu'il faut qu'on grossisse les nets? C'est drôle, là. Il n'a jamais dit ça quand il était avec les Vasty de Red Wings. Ouais, non, plus de coup, c'est un problème, c'est un problème. Tu grossirais-tu une nette, toi, malade? Ben non, pourquoi? Chris, c'est du hockey, tabarnak, qu'on joue pas au soccer. C'est le style américain que la NHL veut le plus de buts. Moi, une game 2-1, là. Je sais pas tant que c'est du bon hockey back and forth. Tu sais, les goalers sont bien, man. 6 à 2. Non, mais Chris. 7 à 1. Ouais, Alex, mais oui, mais c'est sûr, il écoute du basketball. Il y en a 100 buts, esti. Les 5 derniers games, 6-2, 5-1, 4-1, 4-2. Chris, il y en a des buts, c'est quoi le problème? Ouais, puis la moyenne de buts cette année est plus élevée que l'année passée. T'es à 4,85. Pas dans la Ligue nationale. Non, Canada nationale. Les goalers sont meilleurs, mais l'équipement est pas plus gros qu'avant. Ils ont rétréci les pads, ils ont rétréci le jackstrap. À un moment donné, il faut se calmer, esti. Les gardiens sont crissement meilleurs qu'avant. Ben, oh, ils sont plus gros. Quand tu vois que Gretzky faisait le tour du net puis le goaler le suivait. T'avais pas qu'à faire. Comme dans NHL 94. Pas capable pour protéger un wraparound, ça c'était de la merde. As-tu un commentaire de jeu vidéo dans un événement geek, dans un podcast de hockey? Ben oui, ça tombe. C'est tellement méta, ça c'est fou. C'est méta. C'est juste ça de même. Plugger des mots. Autres, on sait pas que ça. Mais non, je grossis pas les mots. Les nets, là, ça reste de même. C'est du hockey, c'est pas du soccer. Les Américains, là, calmez-vous, calice. Ah, pour de vrai, c'est ça, je trouve, ça la recherche, c'est un des problèmes. C'est vrai qu'on a juste comme 6 équipes au Canada. Que, là, c'est sûr, ça pèse la balance. Mais à un moment donné, il faut arrêter de trouver moyen comme le 3 contre 3 pour éliminer les fusillades. Puis pour Badcock, il disait que Toronto, c'est le Canada's team. Là. Excuse-moi, là, mais le meilleur kid de la NHL, c'est qui présentement? Pas pour rien qu'ils sont pas appelés ils sont appelés Maple Leaf. Le Canada's team, c'est les Canadiens. Ouais, parce que c'est des Canadiens, c'est pas, tu sais, Canada Canadiens. Ça prend pas un épais pour comprendre ça. Les Anglais, il y a un petit. Tu m'as fait nos carottes, tabarnak. Puis sinon, c'est les Blue Jays, mais tu sais. This is not fucking baseball! Exactement. Malheureusement. Malheureusement. Les gars, est-ce que Claude Julien est encore sur le siège éjectable à Boston, non. Selon vous? Un peu moins qu'avant. Non, un peu moins qu'avant. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Ils ont chié dans ce moment à Boston. Oui, mais c'est parce que le club... Mais ils ont gagné comme... Ils ont gagné comme peut-être une game en ligne, je pense, quelque chose de même. Mais je pense pas que ça change un coach qui va trouver une solution. C'est pas la clé, là. C'est une séquence de une victoire. Non, mais il y avait une séquence qui ont gagné comme plusieurs victoires, puis tout Carrasque commençait à s'en remettre un petit peu. On salue Ludic qui passe comme ça, impromptu, qui se joint aux deux fans du podcast. As-tu une question de hockey, Ludic, à nous poser? Bon. Tu peux venir, on a un petit 2 minutes. Vas-y donc, bonsoir, la soirée du podcast. Bien content d'être avec vous autres. Tu tes vrais cheveux. Oui, totalement. À chaque matin, je me mets les deux doigts dans la prise de courant. Et je suis envahi de bonheur. Okay, c'est je sais pas quoi répondre à ça. Hein? Non, je suis good. Il nous a cassé. Non, mais la soirée du podcast, l'après-midi, wow. Ouais, mais là, ouais, je sais. C'est l'après-midi du podcast. Ouais. Mais avez-vous vu le lancer de Kovalev? À quel point que... moi, je trouvais que quand il a fait la passe à... Voyons... Koivu? Hein? Koivu? Pas à Koivu, comment elle s'appelle donc? Annie Pelletier, là. Moi, ça m'a révolté. Je pensais qu'elle allait dire Manon Réon. Ouais, moi, ça aurait été mieux, ça. Non, non, non, mais Annie Pelletier, là, elle faisait comment? Moi, je vais sauter. Non, non, Koivu, il envoie une snap. Hey, elle est. Mais bref. Fait que bref, ouais, c'est ça. Mais non, je suis bien d'accord avec totalement tout ce que vous avez vu. Je regarde votre podcast depuis ça a commencé. Là, moi, je faisais partie depuis les années 2000, j'écoute ça. Puis quand Kovalev jouait, dans le fond. Hein? À peu près quand Kovalev a commencé. Ouais, quand Kovalev jouait, puis j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Moi, je me suis dit, écoute, la soirée du podcast à la place. Ils sont plus accurate que ça. C'est ça, ouais. Mais non, c'est ça. Mais c'est bonne analyse. Mais... Bravo. Bravo. On pourrait dire qu'on a reçu Ludic sur notre podcast. Ça va donner plein de cred pour les geeks. Là. C'est excellent. Merci beaucoup. Thank you, good sir. Job. Merci yeah, beaucoup. Good job. Finalement, la question, c'était... Fait que c'est ça, on disait quoi? C'était comment Kovalev a appris à tirer sur Annie Pelletier. Cabot, il est venu sur Julie. On disait quoi? J'aimerais souligner qu'on est le seul podcast qui fait fuir les autres auditeurs. Ciao, à la prochaine. Au revoir. Fait qu'il reste carrément 2 personnes. 3 sont contre le barman dans la foule. 5 sont contre les 2 gars à la technique qu'on remercie de rester. Ils sont payés, eux autres, s'ils n'ont pas le choix. Il y a une concierge. On a du fun, on voit la bien, on jase au hockey. Ben oui, c'est. Non, viens pas nettoyer tout de suite, c'est pas fini. Des calices. Non, on était sur le cas de Claude Julien, s'il est sur le siège. On n'est pas prêt. Non, il est correct. Ben, mais... ben, en fait, moi, tu regardes. Qui va être le premier à faire sa job comme coach cette année? Changer de coach pour les Bruins. Tortellini. Ça vaut pas la peine parce qu'ils ont un club de cul. Fait que changer de coach. Ouais, ça vaut pas la peine. Coach, ça vaut pas la peine. Patrick Roy. Le coach est comme si c'est le coach des Panthers, t'es hors à tous les années. Si t'as un bon club et tu perds. Ben non, c'est. Tu vas blâmer le coach, mais si t'as pas un bon club, tu. Non, mais c'est ça, c'est comme quand on sait le coach, mettons, les Panthers de la Caroline tous les années. Tu sais, c'est comme on est, gars. C'est parce qu'on s'en connaît, ça, they just suck. Boudreau, lui. Puis, en parlant de Julien, justement, à TVA Sport, le seul commentaire de la soirée qu'il y a eu de bon, là, c'est que Cam Neely aurait avoué avoir fait une erreur quand il a changé Tyler Seguin. Le président a oui faire une erreur. No shit. Qu'est-ce qu'il aurait dû jamais faire, ce style de merde-là? C'est ça? Tu fais le payer cette semaine? Non, mais c'est rare que tu vois... Tu as les 3 points dans le pool. Ben oui. Mais c'est rare qu'un président avoue avoir commis une erreur extrêmement grave. Comment c'est Rexy? Parce que, comme Bergeron il a dit hier, si moi, j'aurais déclaré que j'ai fait une erreur la veille, on m'aurait collé dehors. Il y a une bonne question, Alexandre, ici. Comment est-ce qu'il va, Louis Eriksson? Ouais, Louis Eriksson, il fait des points? Il est encore dans la NHL? Il a fait un but hier, mais il est mauvais. Ah, ouais, mais c'est quel style? Mais le gars, il est commotionné. Chris, son cerveau, c'est comme une compote aux pommes. Oh, mais vous le savez, les gars, le temps arrange les choses pour les commotions. De Marc, c'est le cas de Chris le temps. Ah, ouais. Messieurs, il nous reste un petit. Tu peux tout tourner à l'hôpital? Il nous reste un petit 5 minutes. Est-ce qu'on a des questions du public, JS ou Mathieu? Je n'ai pas n'importe quoi, shooter ça. Amenez-vous une chaise puis venez avec nous autres. Là, on va pas te casser pour les questions. Venez jaser avec nous autres. Là, le barman, y a-t-il une question? Question du public? Le gars de la technique a une question pour nous. Vous n'êtes pas tanné de changer tout le temps de poste RDS, TVA Sport? Ça me fait chier pour vrai. T'sais, même moi, ça me fait chier. Là. Ça, c'est une crise de bonne question. On est pogné avec eux autres jusqu'en quoi? 2019, je pense? 18, 19? Ouais, ça va continuer. C'est sûr, ça va finir. Mais ce que c'est poche parce que le monde, quand la game finit à RDS, le monde continue à l'antichambre. Quand la game finit à TVA Sports, moi, tout le monde switch, ah, moi, je switch à l'antichambre. C'est automatique. C'est Dave Morissette après. Ouais. Oublie ça. Là. Je l'ai écouté une fois. J'ai jamais réécouté. C'est dégueulasse. Là. J'aimerais préciser une chose. Officiellement, tout le monde maintenant, même les fans, sont assis à notre table. Venez vous asseoir. Tu peux rentrer, Avant de continuer là-dessus, le barman, il y avait une question. Il disait, Chris, allez-vous nous payer? On se demandait si le GeekFest était notre crowd. On se rend compte que définitivement non. On voit par l'étape vide en ce moment, mais... Écoutez, les gars, avez-vous des questions? Vous deux, Vas-y, GS. GS a fait notre pool, puis Mathieu a fait notre drinking game. Fait que c'est comme nos super fans de la soirée du podcast sur le stage aujourd'hui. Avez-vous des trucs pour que je finisse pas 38e dans le pool? Fais des échanges. Fais des bons échanges. Écoute pas ma lettre. Non, fais pas ma lettre. Fais des bons échanges, puis dans ton top 6, parce que c'est là que tu vas avoir. Prends pas Bob Probert non plus, il joue plus. Puis, bonne équipe, ça va t'aider. Non, mais t'as sûrement pris Crosby. Ouais. Non, j'ai pas pris Crosby. Non! Non, mais par t'es 38e! J'ai pris Silverberg quand il y a eu genre 0 points en 8 games. Ah, fuck. Puis là, je l'ai enlevé puis j'ai mis Yakupov à la place. Puis là, il fait plus rien parce que McDavid, il est blessé. Ouais, Silverberg s'est mis à poter. Fait que c'est ça ma chance jusqu'à date cette année. C'est de la bad luck, mais je pense que ça va revenir. Le meilleur choix, c'est dans les premières catégories. C'est là qu'il faut vraiment que tu choisisses les bons gars. Mais en même temps, les bons goalers, comme Marc-André Fleury, c'est pas un choix. Un pool, là, c'est un. Mais pourtant, Marc-André Fleury, c'est lui qui a le meilleur stats dans NHL présentement. Surtout un pool comme le nôtre, tu sais. Un pool de même, là, c'est un méchant coup de dé. Parce que tu choisis souvent des joueurs qui ont potentiel de faire bien des points. Si tu pognes le mauvais, ben t'es normal. Pis surtout, tu as juste 4 choix par ronde. Fait que tu sais. Ouais, non, si, c'est ça. C'est si tu fais un vrai pool avec du monde qui connaissent moins ça, tu peux aller chercher des picks que les gens connaissent moins. Hey, moi, j'avais pas pris Connor McDavid. Je suis content, si. Ah, je l'ai pris. On vous invite à aller chercher. C'est pour ça que j'ai 18. Au mois de novembre, vous êtes dans la merde, vous êtes pogné avec un gars qui ne fait pas un calice de points. Ben, c'est pas grave. Tu peux avoir un gars qui ne fait pas de points. T'es fête. Non, t'es pas. Non, c'est ça. Puis ceux qui ont pris des gars des Ducks, ils ont compté 5 buts en 8 games. Fait que c'est sûr que ça fait dur. J'ai pas pris un calice. C'est dégueulasse. Mathieu, tu as une question pour nous? Ouais. Alexandre, passe son micro. C'est quand vous allez faire votre live en direct de Glendo? Avec les billets d'avion, on a checké. Il y a trop de. Ouais, Glendo. C'est Gladno, Calis. C'est Gladno. C'est Glendo. Glendo. C'est Gladno. Gladno. Glendo, c'est pas Glendale. Ici, c'est Gladno. Ben, c'est ça, Glendo. Gladno. Gladno. Hey, mais. Ben, arrête ici 2 secondes. Est assis ici. Tu vas me remplacer 2 minutes. Glendo avec un cas. Quand je fais plein le podcast. T'as pissé? Ben, absolument. On finit avec pisser. C'est pas grave, je peux plus me retenir. Faut que t'ailles pisser. J'ai envie de pisser, tu sais. Live. Faire, on va aller la pisser. On va aller la pisser. Alors, fais un nœud, esti. On a perdu la pancarte, esti. Tabarnak. Il est pas prêt. On va attendre qu'Alex revienne pour finir le podcast, mais. Il est pas prêt. Fait que Glendo. Glendo. Fait que pour répondre à la question, dès qu'on pogne 200 fans sur Facebook, je pense qu'on s'en va en Europe faire un podcast live. Tu vois comment ça pogne devant le monde, là? Ouais. Ah ouais, c'est sûr, esti. Et on aimerait qu'ils nous financent. Hey, sérieux, moi, je vais faire un esti d'aparté de marde que je fais normalement à Jazette que j'ai voyagé, là. Mais je suis allé en République tchèque, tu sais. T'étais à Glendo! Non, je parlais à Glendo. C'est pour ça que t'es de même. Non, je parlais à Glendo, mais j'étais dans un bar à un moment donné, mais dans un esti de bar miteux, là, en banlieue, là. J'étais pas comme à Prague, là. J'étais comme vraiment dans un esti de ville. Un peu comme le Nexus. Il servait du lait. Un peu comme le Nexus. Puis je rentre là, man, puis il y a des posters de Jagger puis de Plekky partout, man. Ah ouais? Pour vrai? Ah ouais, ils sont pour vrai? Hey, j'ai les arracherais. J'ai donné 1000 pièces de titre. Je lui dis, c'est excellent votre commerce ici. Mais non, c'était écœurant. 1000 piastres en tchèque. Tu l'as dit en français? À combien, genre? 3$. Okay. Non, honnêtement, mais c'est fucking drôle parce que je rentre dans le bar, man. Il y a juste des photos de Jagger puis de Plekky à côté, là. Tu sais, du temps des recrues puis. NHL, ah, c'est cœur. Moi, toi, tu vomirais, moi, je te capote. On ira un jour ensemble. Bon. Ça se peut que je me fasse kick out. On ira prendre de l'absinthe là-bas. Mais là, tu vas rentrer dans la place. Il sert-tu des genoux de poulet là-dessus? Non, ça c'est. C'est encore des élections. Des poster location pour GF. D'après moi, ma lettre. Non, mais sérieux. Sérieux, là, je pense que le chandail de la classique hivernale, là. Je vais porter. Ça, c'est vrai. Ouais. Sur cette semaine, le chandail de la casquette hivernale. Moi, je pognerais le chandail de Cation. Ah, ta gueule, man. Ouais, bof. Donne-moi 250$. Ça va être chandail, mieux investi. Le chandail de la classique hivernale, toi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je l'aime pas. Bof, hein? Moi, je l'aime pas. J'aime pas le bleu, man. Mathieu, toi, hein? Ben, il est correct. Le bleu, il est fif. Ben, ça fait un. Vintage, ça fit. On dirait que le bleu a été là, genre passé dans l'eau de Javel, si, je sais pas. Alex Galipoulou revient. JS, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai couru, man. Chris, t'as pissé à tes culottes? Oui. Merci, Matt. Il n'y a pas un trou, genre. J'aime juste pas le C. La couleur générale, c'est vintage, le C, par exemple. Ben, je suis pas un grand fan. Le C, on dirait qu'il a été colorié par un enfant de 8 ans. Ouais, c'est ça. Je suis pas un méga fan, personnellement. Qu'est-ce que tu penses du chandail de la classique hivernale du CH? Ouais, ben beau. Pour le reste, je. Ben, okay. Savez-vous pourquoi ils ont mis le globe, ses manches? Ouais, c'est leur première Coupe cette année. Ouais, c'est ça. C'est un beau bleu. Tu voulais avoir un bon, puis t'es comme fuck. Ben non, je veux savoir si vous aviez écouté la même show que moi. Non. Hein? Pas de ça. Quel show? Ben, TVA Sport? Ben, c'est ça, t'as écouté TVA Sport, c'est là qu'ils l'ont dit. TVA Sport, hostie. Hey, c'est ça que t'as écouté. Ils ont dit ça pour vrai? Ouais. Non, ben, ils sont bien bons. Mais j'ai commandé la tuque hier de t'as payé combien déjà? 53 pièces avec le shipping. C'est cher en tabac. T'as rien nous dire que t'as payé 53 pièces pour une tuque? Pour la tuque du Canadien. Man, tu roules sur l'or, man. Va te caller out en esti là-dessus, man. C'est payé en crisse, man, vendre des choses aux joueurs de hockey. 11 pièces de shipping avec Canada Post. Man, 55 pièces une tuque. Je te calme de ma lettre pour avoir payé 50$ pour une crise de tuque. Ah, c'est fucking loser, là. Il est pas si mal, en plus. Avec le globe sur le côté. Il y a le beau nouveau bleu aussi, tu sais. Tu sais, le beau nouveau bleu. Ouais, mais il y a un pompon aussi, pis tout. Ouais, un pompon. Ça a l'air que c'est chaud, il y a du tin solide dedans. Jeff, t'aurais pu appogner en spécial chez Canadian Tire après la classique hivernale, genre pour 15$. Ouais. Encore là, 12$. Ouais. Je vais la porter le 1er janvier. Genre. Ben, t'apportes. Ouais. Quand t'en sous, je vais poster ma photo sur Facebook puis sur Twitter. À chaque podcast, je veux que t'apportes. Ils vont faire malade, tu devrais me donner. Ça, c'est ton problème. Malade, tu devrais me donner 20$ par mois pour que je te donne des conseils de vie. Tu sais, je vais être ton conseil de vie pour tes décisions, man. Tu vas rentrer dans ton cash puis je vais me faire de l'argent en plus parce que 55$ pour une hostie de sucre du Canadien. Ouh! Malade! Ouais, quand ils vont gagner, ils vont être contents. Moi, je vais être chaud ce jour-là. Puis j'aimerais dire en exclusivité, ici en direct, pendant le spécial de Noël, il va y avoir une surprise. Non, pas la bouteille de Jameson qui revient. Elle va revenir, esti. J'espère qu'on va être plus que 3 cette année pour l'avoir. Ben oui, soyez présents, Chris, parce que moi, je pensais qu'on serait 6, puis là, on a bu une bouteille à 3, tabarnak. Ouais, mais vous faites ça quand c'est mon party de Noël de job, esti. Ouais, mais là, c'est pas ton party de Noël. On aimerait ça que JF au dans son char cette année avec les rouges, là, ce serait cool. Au moins, c'est dans son char. Ben oui, c'est ça, parce que payer 5$ pour les rouges, puis vous mettre dedans, là, ça fait genre pitié. Puis titubé dans les marches en descendant aussi, c'était assez comique. Ben oui, puis en plus, ça fait tellement frais, esti, que le vomi était tout gelé dans le char le lendemain. Tabarnak. Non, c'est vrai, faites pas ça à la maison, sérieux, là. Non. On finit le podcast là-dessus, messieurs. Ça, mais... Jameson et Benadryl, ça va être ton drink, ça. Ouais. Ouf, tabarnak, ça va être drop. C'est le nouveau scissorp de hockey, là. Avec ma tuque. Oh, mon Dieu. Ça fait le tour de notre podcast live. On remercie le Geekfest de nous avoir accueillis. Ouais, merci au Bar Nexus et merci, au merci, Barman les gars. Qui nous a fourni en bière dans le podcast. Yes, sir, merci. Merci après pour la bière gratis, c'est apprécié, mon chum. Suivez-nous, suivez-nous. Ouais, merci beaucoup. Tu prenais ça pour... On s'en va. Merci aux deux fans qui sont sur le stage avec nous. Merci à Mathieu et JS. Merci à nos fans d'être présents. Merci aux deux techniques ici au Bar Nexus, on vous rappelle, qui sont là pour nous N'oubliez pas les questions. Les mardis soirs, la grosse est à 5$, puis il y a un show de lesbiennes. Et pour les gens de Québec, les Nordiques, c'est pas pour cette année. Non, c'est ça. Non. Fait que suivez-nous sur Facebook, Soirée du podcast, Twitter, @Soirée du podcast, et puis lasoiredupodcast.ca. À la prochaine, tout le monde! Yes, sir!